On commence, Inch'Allah. Bismillah, walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On commence aujourd'hui notre cours numéro 1 dans l'explication du tafsir de surat An-Nisa. Surat An-Nisa. On a terminé surat Al-Imran. Au dernier cours, donc on commence maintenant un nouveau tafsir d'une nouvelle surah, surah An-Nisa. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit Bismillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam, ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa l'an, nabda'u fi surah An-Nisa, wa hiya surah madaniya. إلا بعضها فإنه نزل بمكة وهو قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو في مكة وذلك بشأن مفتاح الكعبة والقصة مشهورة وسميت سورة النساء لأن الله جل وعلا ذكر فيها كثيرا من أحكام النساء وتسمى بسورة النساء الطولى فرقا بينها وبين السورة وبين سورة النساء غير الطولى فهي سورة وهي سورة الطلاق يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. Donc ici Cheikh Al-Fawzan il explique que donc premièrement, il commence avec le basmala, bismillahirrahmanirrahim. Louange à Allah, le Seigneur des mondes, et paix et bénédiction sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sur sa famille et sur tous ses compagnons. Maintenant, on commence surat An-Nisa. Et c'est une surah madaniya. Madaniya, ça veut dire qui a été révélée à Médine. Elle a été révélée à Médine, cette surah. Donc on dit qu'elle est madaniya. Excepté une partie de cette sourate qui a été révélée à Mecca lors de la conquête. Et même si elle a été révélée à Mecca, s'il y a une partie qui est révélée à Mecca, on va pas dire qu'elle est Makkiya, mais on va dire qu'elle est Madaniya quand même, parce que tout ce qui est tout ce qui est Makki, c'est ce qui a été révélé avant la Hijra. Donc si quelque chose a été révélé après la Hijra, eh bien ça rentre dans la catégorie de ce qui est Madani, même si c'est révélé ailleurs que à Médine. Tout ce qui a été révélé après la Hijra, même si c'est révélé ailleurs que à Médine, on dit que c'est une sourate qui est madani. Madaniya. Donc, ici, le Cheikh Al-Fawzan, il explique donc que le verset, donc la sourate a été révélée à Médine, Al-Madina, sauf une partie qui a été révélée à Mecca, et c'est le verset 58 dans Surat An-Nisa, et c'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce qui signifie, certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants droit. Hein, ce verset a été révélé sur le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, l'année de la conquête, lorsqu'il était à Mecca. Et il dit, et ça c'était à propos de la clé de la Kaaba. Et l'histoire à ce sujet, elle est connue. Ensuite, le cheikh, il dit, وسميت سورة النساء لأن الله جل وعلا ذكر فيها كثيرا من أحكام النساء. Donc on l'appelle سورة النساء, la سورة des femmes. Pourquoi on l'appelle la سورة des femmes? Parce qu'il y a beaucoup de règles qui concernent les femmes dans cette سورة. Et on l'appelle la grande سورة des femmes. Pourquoi? Parce que c'est pour la distinguer de la sourate des femmes qui n'est pas grande, c'est-à-dire sourate al-talaq, qui est la sourate qui parle également des règles des femmes. Elle parle de plusieurs règles qui concernent les femmes, mais c'est elle est courte celle-là, tandis que celle-ci, hein, An-Nisa, elle est longue. Donc on l'appelle Sourate An-Nisa, At-Tula, la longue. Donc on va commencer par lire les quelques premiers versets, les quatre premiers versets, Inch'Allah, puis commencer à lire l'explication. Donc le cheikh, il dit: وقد بدأ الله سبحانه وتعالى هذه السورة العظيمة بقوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفس من فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. Donc ici, le cheikh, il a mentionné donc ces quatre premiers versets pour commencer. Donc on va lire l'explication de ces quatre premiers versets. Allah, dans ces versets, il dit ce qui signifie « Ô homme, ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et qui a créé de celui-ci son épouse et qui, de ces deux-là, a fait répandre sur terre beaucoup d'hommes et de femmes. » Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens de sang, car Allah vous observe parfaitement. Donc quand on traduit ici, tel qu'ils ont traduit dans la traduction, ils disent « craignez votre Seigneur ». Et on a déjà expliqué que « craignez », c'est pas la bonne traduction, puisque « at-taqwa », ça ne veut pas dire la crainte. La crainte, c'est une partie de la signification de « at-taqwa ». Mais « at-taqwa », c'est plus compliqué que la crainte. C'est plus que la crainte. « At-taqwa », c'est de se préserver d'Allah par le fait de faire ce qu'il ordonne et de s'écarter de ce qu'il interdit. Hein? Et de le faire par espoir de son paradis et par crainte de son châtiment. Donc ça, c'est la signification de at-taqwa. Donc quand il dit ittaqullah, ittaqu rabbakum, ici c'est préservez-vous de votre Seigneur. Hein, préservez-vous de votre Seigneur au nom duquel vous vous implorez les uns les autres et craignez Allah, c'est-à-dire préservez-vous d'Allah du fait du danger de rompre les liens de sang, parce que c'est un parmi les grands péchés. Et ça, on va l'expliquer. Certes, Allah vous observe parfaitement. Et le deuxième verset est « Donnez aux orphelins leur bien, ne substituez pas le bon au mauvais. » Ni substituez pas le bon au le pardon, ni substituez pas le mauvais au bon. Ne mangez pas leur bien avec les vôtres. Hein, c'est vraiment un grand péché. Donc, et donnez aux orphelins leur bien, n'y substituez pas le mauvais au bon, ne mangez pas leur bien avec le vôtre, c'est vraiment un grand péché. Et si vous craignez de ne pas être juste envers les orphelins, et ici on voit craigner, Allah il dit, il utilise le terme « inkhiftum » ou « inkhiftum » qui vient de Al-Khawf. Et Al-Khawf, ça veut dire la crainte, la peur. Donc, si vous craignez, ici c'est correct, hein, et si vous craignez de ne pas être juste envers les orphelins, il est permis d'épouser deux, trois ou quatre parmi les femmes qui vous plaisent, Mais si vous craignez de ne pas être juste avec celle-ci, alors une seule ou des esclaves que vous possédez. Cela afin de ne pas être, de ne pas faire d'injustice ou afin de ne pas aggraver votre charge de famille. Et donnez aux épouses leur mahr de bonne grâce. Si de bon gré elles vous en abandonnent quelque chose, disposez-en alors à votre aise et de bon cœur. Donc on va commencer à lire le tafsir, l'explication de ce verset ou de ces versets. Ici, le cheikh il dit: قوله تعالى يا أيها الناس هذا نداء من الله سبحانه وتعالى لجميع الناس وهم بنو آدم وهم البشرية ناداهم الله جل وعلا وأمرهم بقوله اتقوا ربكم وتقوى الله تكرر بيان معناها أنها صفة وخصلة عظيمة تجمع جميع أمور الدين وفسرها العلماء بأنها فعل طاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله وترك معصية وترك معصية على نور من الله خوفا من عقاب الله عز وجل والله جل وعلا أمر جميع الناس بتقواه لأنهم عباده خلقهم جل وعلا لعباده لعبادته فيجب عليهم أن يتقوه سبحانه وتعالى. Donc ici le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il dit: oh vous les hommes, ya ayyuhan nas. Et le cheikh explique que ici c'est un appel de la part d'Allah à tous les êtres humains, les fils d'Adam, qui sont l'humanité, yani. Et Allah subhanahu wa ta'ala les appelle et il les appelle et il leur ordonne quelque chose en disant ittaqu rabbakum, c'est-à-dire préservez-vous de votre Seigneur. Et le cheikh explique que la taqwa d'Allah, c'est quelque chose dont on a expliqué la signification de nombreuses fois dans les cours précédents, dans le tafsir de Al-Baqarah et dans le tafsir de Al-Imran et dans d'autres versets également. On a expliqué ce que ça signifie. Et ça signifie que le cheikh dit que déjà, at-taqwa, c'est une caractéristique et un attribut important qui réunit tous les aspects de la religion. Donc, at-taqwa, ça implique tous les aspects de la religion, tout ce qui est ordonné par Allah, tout ce qui est ordonné par Allah, et de s'abstenir de tout ce qui est interdit. Et le cheikh explique que les ulama ont expliqué la signification de at-taqwa comme étant le fait d'agir selon l'obéissance d'Allah, avec une lumière qui vient d'Allah, c'est-à-dire une science, avec science. Donc d'obéir à Allah avec science et en espérant la récompense d'Allah, et de délaisser le péché avec une science qui vient d'Allah et par crainte du châtiment d'Allah. Donc ça c'est la définition de la piété. At-taqwa, comment on le traduit par piété? Parfois certains ils disent, comme je disais tout à l'heure, la crainte d'Allah, alors que la crainte d'Allah c'est al-khawf, ou bien yani al-khawf, ou bien il y a d'autres synonymes: al-rahba, al-khawf, al-khashya. Donc ça c'est des termes qui sont synonymes de la peur ou la crainte. Mais at-taqwa c'est quelque chose d'autre que ça. Donc il est obligatoire aux serviteurs, aux êtres humains, de faire preuve de taqwa et de se préserver d'Allah, parce que c'est notre Seigneur. Et le cheikh il dit: قال ربكم وهذا هو السبب في كونهم يتقوه جل وعلا لأنه ربهم الذي رباهم بنعمه والذي خلقهم لعبادته والذي يتولى شؤونهم فهو ربهم فحق عليهم أن يتقوه سبحانه وتعالى وحده. Donc, le cheikh, il explique que Allah subhanahu wa ta'ala dit donc, ittaqu rabbakum. Et rabbakum, ça vient de, ça veut dire quoi, rabbakum? Ça veut dire votre rab. Kum, le kum qui est attaché à rab. Hein? En arabe, c'est un pronom qui signifie votre. Hein? Votre au pluriel. Donc, c'est un pronom possessif. Votre Seigneur. Rabbakum. Rabb, c'est le Seigneur. Et le kum à la fin, c'est hein, le pronom possessif qui est attaché à la fin du mot. Rabbakum. Donc, c'est ça la raison pourquoi on doit le craindre. C'est parce qu'il est justement, ou c'est ça la raison pour laquelle on doit se préserver de lui. C'est parce que il est notre Seigneur. C'est lui qui nous a hein, nourris et qui nous a couverts de ses grâces. Et par conséquent, yani, il nous a créés. C'est lui qui nous a créés pour son adoration. Et c'est pour ça qu'on doit se préserver de lui, tel qu'il nous l'a ordonné. Parce que c'est lui qui gère toutes nos affaires et qui s'occupe de tous nos besoins. Et donc, il est notre Seigneur et c'est donc un droit. Hein, un droit vis-à-vis de lui. C'est-à-dire que c'est un droit qu'il a sur nous, qu'on se préserve de lui seul. Après, il dit le cheikh, ثم قال, الذي خلقكم. Allahu Jalla wa Ala huwa alladhi khalaqa bani Adam wa ghayrahum. Kama qala subhanahu wa ta'ala, Allahu khaliqu kulli shay, ou fallahu huwa al-khaliq Jalla wa Ala, wal muradu bil khalq huna, wal muradu bil khalq huwa ijadu shay al-ma'dum. Fallahu awjada hadha al-bashar. وهؤلاء الناس من العدم حين خلق آباهم آدم عليه السلام من تراب. Donc le cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala il dit votre Seigneur et il dit ensuite الذي خلقكم. Donc الذي ça c'est hein, on appelle ça ismun mawsoul c'est un pronom relatif. Et c'est-à-dire celui, hein, celui, khalaqakum, yani qui vous a créé. Khalaqa, c'est le verbe de créer au passé, c'est-à-dire il a créé. Et le kum qui est attaché ici à la fin, c'est pour vous. Hein, khalaqakum. Donc il vous a créé. Donc celui qui vous a créé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui vous a créé. Il a créé les fils d'Adam, il a créé les autres créatures également. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 62 dans Sourate Az-Zumar, il dit, Allah est le créateur de toutes choses. C'est-à-dire, c'est lui qui a tout créé. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il est le seul créateur. Et qu'est-ce qu'on veut dire par la création? On veut dire le fait de d'avoir fait exister quelque chose à partir de rien, à partir du néant. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait en sorte que yani, la création existe, hein, alors que il n'était rien. L'être humain, il les a créés à partir de rien. Et il a fait en sorte que ils existent à partir du néant. Et ça, il n'y a personne qui est capable de faire ça, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Les êtres humains, parfois, on dit à propos de certains êtres humains, on dit, ah, un tel, il a créé, c'est le créateur de telle chose, ou c'est le créateur de telle invention, ou de telle chose. La création que l'être humain fait, c'est seulement de transformer quelque chose qu'il a trouvé parmi les choses que Allah a créées. Il le prend et il le transforme en quelque chose d'autre, hein, ou il le prend, il le mélange avec. Il prend une création, ou il prend une chose que Allah a créée, il la mélange avec une autre chose, et il les mélange ensemble pour faire quelque chose d'autre. Ça, c'est la création que les êtres humains sont capables de faire, mais ils ne sont pas capables de créer à partir de rien. C'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui est capable de faire ça, de faire apparaître de la matière, hein, C'est seulement Allah qui est capable de faire ça. Et de faire disparaître la matière aussi. C'est seulement Allah qui est capable. Parce que les koufars, ils disent toujours, rien ne se perd, rien ne se crée. Ça, c'est faux par rapport à Allah. Parce que Allah, il peut créer ce qu'il veut à partir de rien. Et il est capable de faire disparaître ou de détruire ce qu'il veut de la création pour qu'elle n'existe plus. Hein? Donc, il y a des choses qui peuvent être créées, il y a des choses qui peuvent disparaître, qui peuvent se perdre. Mais ça, c'est Allah seulement qui a le pouvoir de le faire. Les créatures, eux, ne sont pas capables de le faire. Donc, si cette parole, elle se limite à l'être humain, et qu'on spécifie que pour l'être humain, c'est pas possible de créer, rien ne se perd, rien ne se crée pour l'être humain, ça c'est vrai. Mais pour Allah, c'est faux. On ne peut pas dire ça à propos d'Allah, parce que Allah, il peut créer tout ce qu'il veut, à partir de rien. Ensuite, le cheikh, il dit que Allah, il a créé l'être humain à partir de rien. Il a créé à partir de la terre. C'est lui qui a créé la terre. Il a créé à partir de la terre et il a formé de cette terre un être humain. Donc, il a créé la terre et à partir de cette terre, il a créé l'être humain. Hein? L'être humain n'existait pas auparavant. C'est lui qui l'a créé. Et le cheikh, il dit, وَلِهَذَا قَالَ خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ آدَمُ أَبُو البشرية عليه الصلاة والسلام فإن الله خلقه بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء ففضله بالعلم على ملائكته فهو أبو البشرية عليه الصلاة والسلام وقد خلق الله جميع الناس من نسله وذريته فهذا فيه تذكير بمبدأ البشرية حتى لا يترفع أحد على أحد لأنهم كلهم بنو آدم. Donc le cheikh il explique, il dit que dans le verset Allah il dit ce qui signifie il vous a créé d'une âme unique, hein? C'est lui qui vous a créé d'un seul être, d'une seule personne. À la base, et c'est Adam. Adam, le père de l'humanité. Alayhi salat wa salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé par sa main. Et il a ordonné aux anges de se prosterner devant lui. Et il lui a enseigné le nom de toute chose. Il lui a enseigné le nom de toute chose. Et il l'a préféré aux anges, par la science qu'il lui a donnée. Donc, c'est le père de l'humanité, alayhi salatu wassalam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a créé tous les êtres humains qui sont venus par la suite à partir de sa descendance. Ils sont donc tous ses fils. Ils sont donc tous les fils d'Adam. Et il y a dans ça un rappel de l'origine de l'humanité qui est une origine unique, c'est-à-dire Adam, alayhi salam. Donc ils viennent tous d'un père unique qui est Adam. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui est meilleur qu'un autre à la base, puisqu'on descend tous de la même source, de la même origine. Même si quelqu'un il est chinois, même si quelqu'un il est africain, même si quelqu'un il est indien, même si quelqu'un il est européen, même si quelqu'un il est amérindien, peu importe d'où il vient, peu importe sa couleur, peu importe sa forme de visage, peu importe ses yeux, peu importe sa couleur de peau, peu importe sa langue, à la base, tout le monde vient de Adam. On est tous des fils d'Adam, alayhi salam. Et c'est pour ça que si quelqu'un aujourd'hui, tu vois, ils disent, oh, nous, notre peuple, on est meilleur que les autres, nous, notre peuple, on est supérieur, ou nous, on est tel peuple, on a telle chose, telle chose. Ça veut rien dire en réalité. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset, Inna akramakum indallahi atqakum. Le meilleur d'entre vous, c'est le plus, celui qui a le plus de taqwa. Celui qui se préserve le plus d'Allah en faisant ce qu'il ordonne et en s'écartant de ce qu'il interdit. C'est ça. C'est celui-là qui est le meilleur. Et ça n'a pas rapport avec son origine. Le cheikh, il dit ensuite, Wa khalaqa minha zawjaha. وهذا من آيات الله جل وعلا أنه خلق من هذه النفس الواحدة وهي آدم خلق منها زوجها وهي حواء عليها السلام خلقها الله من ضلع آدم عليه السلام وجرى بينهما التزاوج كما قال سبحانه وتعالى وجعل منها زوجها ليسكن إليها وقال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها فالزوجة سكن للزوج وقال في هذه الآية وخلق منها زوجها وهي مؤنثة فالمرأة يطلق عليها زوج ويطلق عليها زوجة والأكثر أنها يطلق عليها زوج فالمرأة زوج فالمرأة زوج الرجل والرجل زوج المرأة والزوج ضد الفرد. Donc ici le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il dit et il a créé de celle-ci, de cet être, ou de celui-ci, de celle-ci, c'est-à-dire cette âme ou de cet être, ça c'est parmi les signes d'Allah, les versets d'Allah, du fait qu'il a créé à partir de cette âme qui était unique à la base, qui est Adam, il a créé son épouse qui est Ève, Hawa en arabe, Hawa, alayha salam. Il l'a créé à partir d'une côte d'Adam. Et il y a eu donc le mariage entre ces deux êtres. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 189 dans Sourate Al-A'raf, il a fait pour elle, c'est-à-dire pour cet être, pour cette âme, son épouse, pour qu'il soit auprès d'elle en tranquillité, pour qu'il soit tranquille auprès d'elle. Et il dit ensuite, un autre exemple aussi dans le verset 21 dans Sourate Ar-Rum, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie et parmi ces signes il y a le fait qu'il a créé pour vous, c'est-à-dire pour les hommes, à partir de vous-même une épouse ou des épouses pour qu'ils soient en tranquillité, auprès d'elles. Donc la femme est un repos pour l'homme. L'épouse est un repos pour son époux. Et ça, c'est quelque chose d'important, surtout à notre époque, parce que beaucoup de gens parmi les koufars prêchent une idéologie qui s'appelle le féminisme. Et dans cette idéologie-là, ils prétendent donc que l'homme qui vient du singe, que la femme, elle vient du singe, et par conséquent, yani, ils sont tous les deux égaux, soi-disant. Et cette idée-là, elle est nouvelle dans l'histoire, même chez les koufars, il n'y a personne qui pensait de cette façon-là il y a quelques années. À la base, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'homme et il a créé pour l'homme la femme. C'est ça qui est mentionné clairement dans le verset. Il a créé pour vous. Khalaqa lakum. Lakum, ça veut dire pour vous. Donc, il a créé la femme pour l'homme. À partir de l'homme même. Donc, la femme même est créée à partir de l'homme. C'est l'homme qui est l'origine. Et tout ça pour dire que l'homme et la femme, ils ne sont pas égaux, dans le sens que même si dans certaines choses, il y a de l'égalité entre l'homme et la femme, mais ce n'est pas une égalité qui est absolue. C'est-à-dire que ce n'est pas une égalité qui est dans tout. Et beaucoup de ces inégalités qui existent entre l'homme et la femme sont justement reliées à leurs différences biologiques. Et leurs différences biologiques a une énorme influence sur la différence de leur rôle, hein, aussi. Et c'est ce qui a des impacts sur tout le reste de leur rôle par rapport à leur travail et les choses qu'ils doivent faire dans la société. Hein. Et il y a une sagesse dans ça. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu qu'il y ait cette différence. Il a voulu qu'il y ait cette inégalité-là pour qu'il y ait justement une harmonie et pour que les choses soient bien divisées. Et si il n'aurait pas voulu, hein, si Allah subhanahu wa ta'ala n'aurait pas voulu cette différence-là, il aurait créé un seul sexe. Il n'aurait pas créé deux. Il aurait créé que des hommes, que des mâles. Il n'aurait pas créé de femelles. Ou bien il n'aurait créé que des femelles. Il n'aurait pas créé de mâles. Mais il y a une raison pourquoi Allah a voulu qu'il y ait des mâles et qu'il y ait des femelles, qu'il y ait des hommes et qu'il y ait des femmes. Il y a une sagesse derrière ça. Et il n'y a rien de ce que Allah fait qui est en vain. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala n'agit pas en vain. Tout ce qu'il fait, c'est pour une sagesse parfaite et complète. Et il y a un bien là-dedans. Hein? Donc, c'est pour ça qu'il faut ne pas se laisser influencer par les discours de ces égarés parmi les gens qu'on appelle les féministes, que ce soit des hommes ou des femmes, parce que leur discours est complètement contradictoire avec la réalité et parce qu'il contredit la révélation que Allah nous a révélée par l'intermédiaire de ses messagers dans toutes les révélations, que ce soit dans l'Ancien Testament, chez les chrétiens, la Bible, yani quand on dit la Torah ou bien l'Injil, dans ces livres révélés, même si aujourd'hui beaucoup de ces livres-là ne sont plus authentiques, malgré tout, il reste encore beaucoup de traces des règles que Allah leur avait révélées et qui indiquent clairement que l'homme et la femme ne sont pas égaux. Et dans la révélation qui est la dernière révélation, qui est la révélation du Coran et dans la Sunna, eh bien, il y a des indications de ça aussi. Mais le fait qu'il n'y ait pas une égalité absolue, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de justice. Au contraire, la justice est obligatoire. Toutefois, l'égalité n'est pas nécessairement synonyme de justice. Parfois même, c'est le contraire qui est vrai. C'est-à-dire que parfois, c'est l'égalité qui est une injustice. Hein? Et on en donnera des exemples, inshallah, plus tard. C'est-à-dire dans d'autres, parmi les cours de ce tafsir, on aura l'occasion d'en parler de ce sujet-là à plusieurs reprises, inshallah. Mais j'ai mentionné ce point-là maintenant, pourquoi? Parce que il y a certaines musulmanes qui ont été influencées par les idéologies de ces féministes et qui ont essayé d'inventer une nouvelle secte, une nouvelle bid'a. Et ils ont appelé ça donc le féminisme islamique, soi-disant. Et qu'est-ce qu'elles font ces femmes? Elles disent, il faut se réapproprier les textes en tant que femme et faire des réinterprétations de la religion du point de vue de la femme. Et que les gens qui parlent des règles des femmes ou des principes qui ont rapport avec la femme dans la religion, eh bien, ça doit être des femmes seulement. Et les hommes n'ont pas le droit de parler des questions qui touchent aux femmes parce qu'ils ne sont pas des femmes. Aussi de dire, par exemple, les versets qui ont rapport avec ça, la création de Adam, ils disent, non, c'est pas vrai que l'homme est créé en premier, puis que la femme est créée à partir de l'homme, parce que ça, c'est des versions qui sont tirées de la Bible des chrétiens, alors qu'en réalité, on trouve des versets dans le Coran et des hadiths aussi authentiques qui confirment que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé Adam et à partir de Adam et d'une de ses côtes, il a créé Hawa, il a créé sa femme. Et ça, c'est pas dans la Bible seulement, c'est mentionné aussi dans les textes authentiques de la religion musulmane. Donc, d'essayer de prétendre que ça, c'est faux, C'est de nier la réalité de qu'est-ce qui est, qu'est-ce qu'on retrouve dans les textes de la religion. Et donc, on en a vu un exemple ici, et le cheikh Al-Fawzan, il l'a clairement expliqué. Donc, le cheikh, il explique ensuite que dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit donc qu'il a créé à partir de cette âme, hein, de Adam, son épouse. Et il a dit Zawjaha. Zawjaha, yani, on voit que le pronom qui est rattaché ici, c'est un pronom qui est féminin. Parce que l'épouse, il est mentionné le mot Zawj, il peut s'appeler. Le cheikh, il explique que le mot Zawj, on peut l'appliquer à la femme et on peut l'appliquer à l'homme. Donc, il explique que pour quand on parle d'une femme, on peut dire que si on veut dire qu'elle est une épouse, on peut dire les deux. On peut dire Zawj, on peut dire Zawja. D'accord? Donc, on peut dire de la femme qu'elle est Zawj al-Rajul ou on peut dire qu'elle est Zawjatul Rajul. Donc, le fait que ici, parce que le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il y en a même qui ont essayé de jouer avec le fait que le terme nafs, il est féminin. Et j'ai entendu ça de la part de certains égarés, justement. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Huwallazi khalaqakum min nafsin wahida. Et le fait que le mot nafs, il est en arabe, il est féminin. Hein, le fait que le mot nafs, il est féminin. Et ils ont dit ça, c'est la preuve que c'était l'âme était une âme de femme, hein, ou féminine. Ça n'a rien à voir. Le fait qu'un mot soit féminin ne veut pas dire que il s'agit de quelque chose qui a rapport avec le sexe féminin. D'accord? Ça n'a pas de lien. Les deux n'ont pas de lien. Ça voudrait dire que sinon, tous les êtres humains, ils ont une âme femelle. Hein? Parce que nafs, tous les gens ont un nafs. Tous les êtres humains ont un nafs. Même les hommes, ils ont un nafs. Donc ça n'a rien à voir le fait que le mot lui-même soit féminin, de dire que l'âme, elle était féminine. Non. Allah a créé Adam et il l'a appelé nafs dans ce verset-là. Et nafs, ça désigne l'âme et ça désigne aussi la personne. Ça désigne aussi la personne. Donc il dit de cette personne, de cet être, il a créé son épouse et il a utilisé le masculin azouj parce que le terme zouj, il est masculin et féminin. C'est-à-dire il peut s'appliquer à l'homme comme il peut s'appliquer à la femme aussi. On peut dire zouj pour une femme ou on peut dire zouja pour une femme. Même le plus connu ou le plus répandu dans l'arabe par rapport à l'épouse, on dit non pas Zawja, mais Zawj. Hein? Et c'est ça que le cheikh explique. Donc si tu dis Zawja, c'est correct, mais si tu dis Zawj à propos de ta femme, tu dis c'est ma, Zawji, c'est correct. Mais il y a des gens qui pensent que, ah oh non, il faut pas dire Zawji, il faut dire Zawjati. Non, c'est pas nécessaire. Hein? Puisque en arabe, Zawj, ça s'applique. Et également à la femme. D'accord? Et le mot zauj lui-même, il désigne le contraire du couple, le contraire de la singularité. Al-fard, le fait d'être singulier ou d'être seul, le contraire de ça, c'est zauj, c'est-à-dire le couple, hein, ou le fait d'être un couple. Ensuite, la suite du verset, le cheikh il dit Thumma qala, Jalla wa ala, Wabatha minhuma rijalan kathiran, ay nashara min Adam wa Hawa rijalan kathiran, wa nisaan, yani nisaan kathirat, fakullu al-dhukur wal-inath, fa'innahum min waladi Adam alayhi salatu wassalam. كلهم إخوة في الإنسانية والبشرية فهم من أب واحد وأم واحدة. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a comme il mentionne dans le verset, il a répandu à partir de ces deux-là, c'est-à-dire Adam et Ève, beaucoup d'hommes et de femmes, beaucoup d'hommes et de femmes. Donc, tous les hommes et les femmes qu'on voit maintenant sur la Terre qui sont répandus, on est rendu presque 7 milliards, eh bien, tous ces hommes et ces femmes sont à la base de Adam et de Ève. Et le cheikh, il explique que quand il dit, il a répandu beaucoup d'hommes, dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Rijalan kathiran, et il dit, Wanisa'an, c'est-à-dire, Wanisa'an kathirat, c'est-à-dire, et beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. Et il dit ensuite, donc, tous ces êtres humains-là sont tous en réalité des frères dans l'humanité, à la base, puisqu'on vient tous d'un seul père et d'une seule sœur. Donc en réalité, quand on regarde ça de façon sur le plan de la création, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a tous créés à partir de ces deux êtres-là à la base. Donc on est tous en réalité des frères et des sœurs sur terre, puisqu'on a tous le même père et la même mère à l'origine. Peu importe que tu sois yani, africain, européen, que tu sois grec, italien, chinois, kabyle, berbère, amazigh, amérindien, que tu sois de la tribu des algonquins ou des mohawks ou des inuits, ou que tu sois des français, des anglais, des francs, des celtes, des bretons, des saxons, ou peu importe, yani, de quelle tribu tu viens, de Quraysh ou de yani, n'importe quelle tribu, yani, n'importe quel peuple. On est tous descendants de Adam. Et Adam, il vient de la terre, créé de terre. Après, le cheikh, il explique, il dit, ثم قال جل وعلا مكررا الأمر بالتقوى واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وخوف عقابه ورجاء ثوابه. Donc il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il répète encore une fois l'ordre de la piété, at-taqwa. Et il dit, wattaqullah, préservez-vous d'Allah en faisant ce qu'il ordonne et en vous écartant de ce qu'il interdit par crainte de son châtiment et par espoir en sa récompense. Alladhi tasa'aluna bihi wal arham. تساءلون به فيقول بعضكم لبعض أسألك بالله فهذا معنى تسألون تساءلون به سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il explique, il dit, et préservez-vous d'Allah lequel par lequel vous vous demandez les uns aux autres, c'est-à-dire que vous vous demandez les uns aux autres des choses en disant je te demande par Allah. C'est ça la signification quand il dit tasa'aluna bihi. Vous vous demandez les uns aux autres bihi, c'est-à-dire en mentionnant Allah, par le nom d'Allah. Donc tu dis à quelqu'un, oh, je te demande de me donner par Allah. Wal arham, le cheikh dit wal arham bin nasbi. Bin nasbi inda jumhur al-qurra. معطوف على الفعل السابق أو على مقدر أو على مقدر أي اتقوا الأرحام أنكم تتقون الله جل وعلا فيجب عليكم أن تتقوا الأرحام فهي جمع رحم وهم الأقارب والرحم يعني والرحم هو ما يجمعكم به قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم وكل هؤلاء يدخلون في لفظ الأرحام ومعنى اتقوا الأرحام أي اتقوا أن تقطعوها فإن الرحم لها حق واجب يأتي بعد حق الله جل وعلا وحق الوالدين. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, alladhi tasa'aluna bihi, il dit wal arham. Et il dit al arham, il est mansoub. Wal arhama. Wal arhama. Et pourquoi il dit wal arhama? Pourquoi il est mansoub? Parce que il est relié au verbe qui est précédent. Wattaqu, c'est comme si Allah disait Wattaqullah alladhi tasa'aluna bihi wattaqul arham. C'est-à-dire, et également préserver les liens de parenté. C'est-à-dire que comme vous craignez Allah et comme vous vous préservez d'Allah, il est obligatoire pour vous également de vous préserver, que vous préserviez les liens de parenté. Et ici, le terme arham, le mot arham, c'est le pluriel du mot rahim, ou rahm, rahim, qui sont les proches de la famille, les liens de parenté. On l'appelle en arabe ar-rahim. Et ar-rahm, aussi on appelle ar-rahm, c'est l'utérus, la matrice, l'endroit d'où on vient dans le ventre de la mère. Donc les liens de parenté aussi. Le cheikh, il dit que ceux avec qui tu as des liens de parenté du côté de ta mère, du côté de ton père ou du côté de ta mère, ces gens-là entrent dans la signification de al-arham. Et donc, la signification ici, c'est ittaqul arham, donc préserver les liens de parenté, c'est-à-dire ne les coupez pas, ne pas couper les liens de parenté. Il dit parce que les liens de parenté sont un droit, c'est un droit obligatoire après le droit d'Allah, et après le droit des parents. Après le droit des parents. Le cheikh, il dit ensuite, ثم قال جل وعلا في ختام هذه الآية إن الله كان عليكم رقيبا أي مطلعا على أعمالكم وأقوالكم وتصرفاتكم لا يخفى عليه شيء منها فراقبوه سبحانه وتعالى ولا تخالفوه أمره وترتكبوا نهيه فإنه سبحانه وتعالى فإنه سبحانه وتعالى لا فإنه سبحانه وتعالى مطلع عليكم أينما كنتم. Aynama kuntum. Donc le cheikh, il explique que ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il le termine en disant, pour le terminer, il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala, il est raqibun, alaykum raqiban. Il vous surveille en fait, il est un surveillant sur vous. Et c'est-à-dire qu'il sait ce que vous faites, ce que vous dites, et il voit également. Il sait, il surveille ce que vous avez comme comportement, comme action. Donc, il n'y a rien qui lui échappe de quoi que ce soit de ce que vous dites ou de ce que vous faites. Il vous surveille. Il vous surveille. Donc, quand on dit, par exemple, raqaba, raqaba, c'est-à-dire une surveillante, une supervision, une surveillance. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement il nous voit, mais en plus il nous surveille. Il nous surveille, il suit attentivement, il sait ce qu'on fait et il connaît parfaitement tout ce qu'on dit et tout ce qu'on fait. C'est pas, il n'est pas indifférent, il n'est pas insouciant de ce qu'on fait. C'est comme Allah il dit dans plusieurs versets, وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Et Allah il n'est pas ghafil. Il n'est pas indifférent, il n'est pas insouciant de ce que vous faites. Parce que certaines personnes, justement, du fait qu'ils ne voient pas Allah, ils s'imaginent que Allah subhanahu wa ta'ala ne voit pas ce qu'ils font ou ne suit pas ce qu'ils font. Et c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, dans le surat Al-Mujadala, où il y a Kuluna, yani. Dans surat Al-Mujadala, quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit. لولا يعذبنا الله بما نقول لولا يعذبنا الله بما ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول Donc, dans Surat al-Mujadala, c'est comme si ces gens qui contredisent l'ordre du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et qui font des discussions secrètes entre eux, dans qu'est-ce qui contredit la religion. Hein? Est-ce que Allah il va nous punir pour ce qu'on dit? Comme s'ils s'imaginent que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne sait pas ou ne voit pas ce qu'ils font, hein? Ou comme s'il était indifférent de ce que ces gens-là sont en train de faire. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas quelque chose qui est compliqué pour lui ou difficile pour lui de surveiller tous les êtres humains en même temps. Peu importe où et quand, hein, qu'est-ce qu'ils font. Allah subhanahu wa ta'ala, il le sait. Si quelqu'un, par exemple, on lui donne une charge de surveiller des gens, hein, et que la quantité de monde est immense, par exemple, 50 personnes, tu dis, surveille ces 50 personnes pour voir qu'est-ce qu'ils font. Hein? Des fois, par exemple, il y a un examen, les professeurs, ils ont des surveillants pour surveiller les examens des élèves. Il y a toujours un ou deux au fond, en arrière, qui trichent dans les examens et qui essaient de tricher. Des fois, le surveillant, il peut en attraper quelques-uns, mais il ne peut pas toujours voir tout. Donc, ça, c'est pour des hommes. Peut-être que eux, ils ont de la difficulté à surveiller, ils ne peuvent pas surveiller. Et on parle juste d'un petit groupe ici, 50 personnes, c'est rien. Que dire de Allah subhanahu wa ta'ala qui surveille toute l'humanité en même temps, hein, au même moment. Et non seulement les êtres humains, mais il voit toutes ces créatures, même les animaux, même les insectes, hein, même les bactéries dans l'océan, les virus, hein, toutes les créatures, il les voit en même temps, il les contrôle en même temps, il les entend en même temps. Et c'est lui qui leur donne à chaque leur subsistance. Donc, il surveille, il n'y a rien qui lui échappe. Il n'y a rien qui lui échappe. Donc, ça implique une chose, qu'il dit ça implique que vous ne devez pas contredire son ordre, son commandement, et faire ce qu'il vous interdit de faire. Parce qu'il vous voit, il sait ce que vous faites. Là où vous êtes, peu importe où vous êtes. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, pour ce premier cours. On a terminé le premier verset, on continuera la suite au prochain cours, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله